Bonsoir, il est 19h, même heure à Gatumba, Kanyosha, que ce soit aussi au siège de l'Otraco et de la CNIDH, et nous sommes à la même heure, le journal parlé en langue française au rendez-vous. Vous recevez, oui, Sindayehura, à la présentation de l'autre côté vitré, nous sommes avec Jimmy Blaise, et nous avons d'abord les grandes articulations. Abel Manilatunga, le directeur général de l'Otraco, est suspendu de ses fonctions par le président de la République, Evariste Ndayishimiye. Le numéro 1 burundais vient de suspendre Global Society Technical, la société sous-traitante de l'Otraco. Et une femme a été tuée fusillée à Kanyosha, zone de la commune urbaine de Moa. L'auteur de ce crime, un policier de grade APC. Réaccréditation de la CNIDH au statut A dans le domaine des droits de l'homme. La CNIDH demande au Burundi de conjuguer les efforts pour militer pour le respect des droits de l'homme. Le parti APDR le voit en une nouvelle considération pour le pays dans ce domaine. Et l'ONG locale Olucom conseille à la CNIDH de montrer son indépendance pour l'intérêt de la communauté. Nous vous avons prévu plus. Bienvenue. Bonsoir, Albert Manilatunga, directeur général de l'Otraco, vient d'être suspendu de ses fonctions par le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Le numéro 1 burundais fait également savoir que la société Global Society Technical a été suspendue dès ce mardi. Président Ndayishimiye souligne pour la direction qu'ils n'ont pas respecté les instructions relatives à l'octroi des documents de contrôle technique par les agences de Gitega, Ngozi et Bururi, et Global Society Technical n'a pas respecté ce contrat. Evariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi, traduit en français par notre confrère Siver Wigilimana. Vous, en tant que représentant du peuple, qu'est-ce que vous avez fait pour que cette société fonctionne? En un mot, cette société n'a pas compris sa mission comme elle a convenu. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, que ce soit ici, en Ngozi et à Bururi, vous n'avez pas fait aucune chose et vous obligez la population de descendre à Bujumbura, ce qui cause une perte énorme. Dès aujourd'hui, cela ne peut pas continuer. À ce moment, que ce soit toi et celui-là, personne n'a le droit d'entrer dans ce bureau. Vous allez revenir dans vos bureaux après avoir montré que le bureau de Ngozi, Gitega et Bururi fonctionne. Dès aujourd'hui, c'est fini. C'est anormal. La somme que la population a versée doit être divisée en quatre parties. 3% au trésor public, un quart est destiné à eux et ils rentrent chez eux. Nous ne pouvons pas accepter l'escroquerie dans notre pays. C'était le président de la République du Burundi. Il était traduit en français par notre confrère Silver Bigilimana. Dans le processus de licenciement de prix de 70 salariés de la société Braudi va débuter ce 30 juin 2021. Comme c'est mentionné dans une correspondance que les autorités de la Braudi ont adressée aux représentants des travailleurs de cette entreprise. Cela étant, le ministre de la fonction publique avait suspendu ce processus précisant qu'il viole le code du travail. Plus de détails avec Raymond Zimana. La dernière correspondance des autorités de la société Blairoudi est du 14 juillet 2021 sur ce processus de licencier 73 salariés de cette entreprise. Cette correspondance adressée aux représentants du personnel était de préciser les dates de départ pour les salariés licenciés. Le 31 janvier 2022 était fixé pour les employés occupant le poste de cariste, alors que d'autres employés concernés devraient partir ce 30 juin 2021. Ce processus qui continue avait été suspendu par l'inspection générale du travail dans une correspondance du 22 avril 2021, même si l'administrateur directeur général de la Braudi avait répondu à cette correspondance des jours après pour demander la reconsidération de cette mesure. Dans les messieurs publics des porte-parole des institutions de l'État, le porte-parole du ministère de la fonction publique a indiqué que ce processus avait été suspendu car il enfreignait la loi. Nous savons très bien qu'il y a des imperfections au sein de cette société, car ils renvoient leurs employés illégalement. Et le ministère des Fonctions publiques a déjà envoyé une lettre de correspondance à cette société afin de voir comment résoudre cette question. Marie Rosette Nizigimana précise que le ministère de la Fonction publique va continuer à suivre de près ce processus. Nous avons décidé de demander la liste de tous ces employés licenciés afin d'étudier chaque cas, parce qu'il peut y avoir des employés licenciés à cause des fautes concrètes. C'est pourquoi on va étudier chaque dossier d'un employé licencié afin que le ministère des Fonctions publiques éclaircisse sur ce point. Comme c'est mentionné dans une correspondance de novembre 2020 adressée aux représentants du syndicat libre des travailleurs de la Brarudi, Chidom Ayeni, administrateur directeur général de la Brarudi, précisait un licenciement de 73 salariés pour motif économique. Merci Raymond Diman. Le président de la République du Burundi dénonce le comportement de certains employeurs des sociétés privées qui limogent leurs employés injustement. Évariste Ndayishimiye a indiqué que le gouvernement burundais va faire le tout possible pour régulariser ceux qui ont été licenciés illégalement. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Il y a des entreprises qui maltraitent leur personnel. L'État va bientôt commencer à plaider en faveur de ses employés, lésés par leurs employeurs. L'entreprise qui est là et qui licencie son personnel également, qu'il sache que l'État va désormais devenir le porte-parole de ce dernier. Vous croyez que vous allez remporter contre le gouvernement? Dorénavant, conformez-vous à la loi, car si un employé vient travailler chez toi, sache qu'il a déjà planifié ses projets d'avenir. Si tu licencies ton employé avant l'échéance de la période qu'il a prévue, cela signifie que tu diminues la moitié de sa période de vie, car il ne peut pas accomplir ses engagements jusqu'au bout. Mais si tu es dégoûté de sa présence devant toi, donne-lui son indemnité de licenciement. Il arrive des fois où tu vois que tu n'as plus besoin de tel ou tel autre employé, et de ce fait, tu préfères lui donner son salaire jusqu'aux périodes de pension pour qu'il quitte ton entreprise. Cela est aussi possible, mais à condition qu'il soit régularisé de toute cette somme. L'État va plaider en faveur de ses employés qui sont licenciés illégalement. C'était le président de la République, Evariste Ndayishimiye, traduit en français par Ephraim Chiza, après une courte pause par les sécurités. Une femme a été tuée par un policier le matin de ce mardi au quartier Gissio de la zone Kanyosha, en mairie de Bujumbura. Selon les sources sur place, les conflits fonciers seraient à l'origine de ce crime. Et ces informations sont confirmées par l'administration à la base à Kanyosha et demande à la population d'abandonner la pratique de se faire justice. L'élément déclencheur de cette criminalité est la limite séparant les parcelles de cette femme tuée et ce policier connu sous le nom de Raymond Boutoy. C'est le source sur place. Ce policier a construit dans cette limite à partir de 4h du matin de sol mardi, alors que l'administration à la base l'a interdit. Un habitant rencontré sur place nous a signifié qu'il y avait un problème de limite entre les parcelles de ces deux personnes. Il a fait savoir que ce policier est parti et par après, il est revenu pour fusiller cette femme. Joseph Akizimana, chef de quartier Gissio, fait savoir qu'il est au courant de cette situation et ajoute qu'il avait empêché ce policier de construire dans cet endroit. Il y avait une mésentente entre ces deux personnes provoquée par une limite entre leurs parcelles. Je me réveille pour venir ici et je constate que ce policier est en train de construire alors que je lui ai interdit. Cette autorité à la base confirme que ce policier a tué cette femme. Ce policier était allé au travail, mais je ne comprends pas comment il est revenu. Après, j'ai entendu des coups de feu et nous avons appelé la police. Il lui a tué par 6 balles au niveau du cœur et de la tête. Hakizimana demande aux habitants de ce quartier d'abandonner la justice populaire. Qu'ils s'adressent à la justice, et c'est nous la justice, qu'ils attendent notre intervention. Rappelons qu'après le drame, le policier a pris le large. Merci Silver Bigirimana et Pierre Ngouli, qui est porte-parole du ministère et en charge de la sécurité publique, vient d'annoncer que APC Raymond Boutoy, l'auteur de crime, a été arrêté. Kourikiye condamne énergiquement cette criminalité. C'était dans une conférence de presse animée dans cet après-midi à Gatumba. Pierre Kourikiye. Pour le matin d'aujourd'hui vers 8h, dans le quartier d'Ogissio, c'est dans la zone de Kanyosha, en commune de Mouha, il y a un policier qui s'appelle APC Boutoy Raymond et qui a tiré mortellement sur dame activement la Gorette d'à peu près 30 ans. À l'origine, c'était une dispute autour de la limite de parcelle, même en administratif local avait conseillé les deux et avait pris la décision de montrer là où chacun devrait rester, et, mais malheureusement ils n'ont pas obtempéré à ce conseil de l'autorité administrative. Le policier a fini par tirer sur cette dame. Et ici, le message c'est de condamner avec la dernière énergie et ce crime odieux d'un policier, quelqu'un qui était censé protéger, assurer la sécurité des citoyens et qui, contre toute idéologie, contre toute la loi à la matière, a tiré sur une femme qu'elle devrait plutôt protéger. Et annoncer aussi que le policier a été appréhendé maintenant et que le dossier se fait normalement et que le policier va être remis à la justice pour qu'il soit condamné conformément au crime odieux qu'il a commis. C'était Pierre Ngouloukier. Nous nous excusons pour cette mauvaise qualité sonore. Toujours dans cette page et sécurité, les pêcheurs œuvrant au port de pêche olympique se réjouissent de la sécurité qui règne à cet endroit. Ces pêcheurs affirment que les cas de vol qui s'observent dans ces derniers jours ont cessé. Cependant, ces pêcheurs déplorent le comportement de ne pas apporter secours aux pêcheurs en cas d'accident adopté par certains responsables de Benanio Mungere. Les pêcheurs œuvrant dans le lac Tanganyika ont prisé le port de pêche. Ceux qui œuvrent au port de pêche olympique de la zone Kanyosha, commune Muha, en mairie de Bujumbura, éprouvent des sentiments de satisfaction de l'état sécuritaire dans le lac. Et cela malgré les différentes sensibilisations et la communication en cas de phénomènes inhabituels. Ce qui nous choque, c'est qu'il y a des cas où l'hippopotame tue un pêcheur et le comité n'intervient pas. Nos responsables ne pensent même pas à l'indemnisation du pêcheur de n'importe quel point de pêche. Ce pêcheur déplore néanmoins les responsables qui ne prennent pas soin des pêcheurs, surtout en cas d'accident au lieu de travail. Chaque bateau a une identification. Il y a des numéros propres à des petits bateaux et les autres gravés sur des gros bateaux. Ceux qui venaient du Congo avec des pagnes frauduleuses ne viennent plus. C'est pour cela que depuis Nyamugari à Olympique, nous nous réjouissons de la sécurité. Nous n'éprouvons aucune peur dans l'eau. Le vol de moteur ne se fait plus. Les choses sont à la normale. Vous saurez que le port de pêche olympique est l'un des ports de pêche abritant un bon nombre de pêcheurs et vivant dans le lac Tanganyika. Droits de l'homme, à présent, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle, a réaffirmé son engagement à bien accomplir la triple mission, dont la protection, la promotion et le rôle consultatif dans le domaine des droits de l'homme. L'a dit Sixte Vinini Mouraba, président de la CNIDH, dans un communiqué sorti ce lundi après réaccréditation de cette commission au statut A. Nimuraba remercie les médias, la population et d'autres organisations nationales et internationales qui ont aidé la CNIDH à franchir ce pas et surtout à regagner la confiance. La CNIDH lance un appel vibrant à tous les Burundais de travailler en synergie en combattant toutes aux personnes qui tenteraient de porter atteinte aux droits de l'homme. Et le parti APDR se réjouit de cette réaccréditation de la CNIDH au statut A. Gabriel Mandawiton, le président de son parti, qui le dit, indique que ce statut A montrera une nouvelle considération à la Commission en particulier et à tout le pays en général en ce qui concerne les droits de l'homme. Gabriel Mandawiton, le président de la PDR. Et nous disons satisfaits pour le parti APDR que la CNDH, Commission nationale en charge des droits de l'homme, a eu la chance de revenir au statut A. Vous savez que dans les années passées, il y a à peu près 3 ans, que cette commission a chuté dans le statut B. C'est un échec pour le parti une fois que cette commission tombe dans le statut B. Puisque si la commission est dans ce statut, il perd directement le droit de veto. Mais aujourd'hui, dans le statut A, c'est un pas avancé pour la commission, mais aussi pour le Burundi. Puisque ça montre que même au niveau international, il y a espoir envers cette commission. Alors, profitez l'occasion de remercier aussi cette commission, puisque aujourd'hui, nous voyons que cette commission travaille en franche collaboration avec le gouvernement et que le gouvernement met en place les recommandations ici de cette commission. Ici, on peut souligner par exemple qu'il y a les prisonniers libérés par grâce présidentielle. Au moment où cette commission disait chaque fois qu'il y Kalia a conformément dans les prisons au Burundi. C'est un pas avancé et nous disons satisfaits puisque nous voyons que le Burundi aura encore image formelle au niveau international à rapport avec les droits de l'homme. Gabriel Ibanza Witonde, président du parti APDR et l'Olucom, salue le pas déjà franchi par la CNIDH pour retrouver le statut A. Gabriel Rofi, président de l'Olucom, demande à cette commission de montrer son indépendance en œuvre pour l'intérêt des citoyens pour le maintien de ce statut A. Gabriel Rofi, président de l'Olucom. Pour nous, c'est une très bonne chose. Néanmoins, nous pensons qu'il serait très important si la CNIDH continue à agir dans le droit chemin en défendant les intérêts des citoyens lambda. Si nous parlons de la protection vulnérable, les enfants, les femmes, les prisonniers, toute forme des droits de la première génération. Deuxièmement, il faut que la CNIDH essaye de travailler sur des questions de gouvernance, de transparence, de lutte contre la corruption, mais aussi d'autres qui sont en rapport avec la défense des intérêts des citoyens. Donc, nous ne voulons pas entendre la CNIDH entrer dans les porte-parole du gouvernement, parce que comme vous le savez, le gouvernement a ses propres porte-parole. Je pense qu'il peut prendre un bon exemple. Quand la commission était dirigée par le frère Emmanuel, ils essayaient vraiment tant bien que mal de défendre les intérêts des citoyens. Mais aussi, au niveau du gouvernement, nous pensons qu'il peut prendre l'exemple du ministre de l'Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique. Il est clair, quand il agit, dans plusieurs cas, nous voyons qu'il n'y a pas vraiment de favoritisme, il n'y a pas de clientélisme. C'était Gabriel Rofili, président de l'Olucom et des droits de l'homme à la communication. Les responsables des médias comme le professionnel des médias demandent des facilités concernant les exonérations sur leurs équipements en provenance de l'extérieur du pays. Ces derniers indiquent qu'ils contribuent aussi au développement du pays et ils le disent à l'occasion de la révision de la loi sur la presse au Burundi. Un processus qui a été lancé ce lundi à la Maison de la Presse, le point avec Richard Nyonguru. Échangeons sur différentes modifications qui peuvent être opérées pour la révision de la loi régissant la presse au Burundi. Les responsables des médias et les professionnels du métier trouvaient que certaines dispositions devraient avoir une place dans la prochaine loi révisée, comme les exonérations sur les équipements à importer, car, soulignait-il, cette catégorie des Burundais contribue au développement du pays. Si réellement le gouvernement prévoit des subventions réservée pour les médias. Vous savez qu'il y a des médias qui ouvrent à peine à cause de leurs difficultés financières. Est-ce que l'exonération de la TVA seulement peut aider en quelque chose concernant l'importation du matériel? Par exemple, une radio communautaire ne peut pas avoir $2,500 exigés. Ce ne sont pas faciles à avoir, surtout que nous ne sommes pas en train d'exercer le commerce. Y aurait-il pas moyen pour la prochaine loi d'éclairer sur les redevances en fonction des organes de presse? Concernant certaines dispositions qui demandent aux différents organes de presse de donner des rapports financiers à l'organe régulateur qui est le Conseil national de la communication, CNC, certains responsables des médias trouvent inopportune cette disposition. Dans une disposition ici, vous venez leur demander un rapport financier. Sur ce point, cette disposition vise à promouvoir la transparence au sein des organes de presse, souligne Laurent Kaganda, vice-président du Conseil national de la communication, CNC. Il y a des moyens financiers que vous utilisez, minimes soit-ils. Vous n'achetez pas de papier, vous n'achetez pas un sirop, vous n'achetez pas ceci ou cela pour le bon fonctionnement de votre média. Vous le faites. Le rapport, c'est celui-là même. C'est un rapport finance. Après le narratif, vous ajoutez en finance. Quelle que soit, vous avez fait des dépenses. Vous avez aussi fait un peu de recettes. Parce que vous n'avez pas utilisé de l'argent que vous n'avez pas fait. Voilà. Le processus de consultation sur la révision de la loi sur la presse au Burundi a été lancé ce lundi par Marie-Chantal Nidimbere, ministre des Technologies de l'Information et de la Communication et des Médias. Pour se clôturer ce mercredi, sont invités à ces consultations les responsables des médias et les professionnels du métier pour d'éventuelles contributions. l'actualité internationale. Dans l'actualité internationale, et non loin de chez nous, en la République démocratique du Congo, en moins de 2 mois, 3 enfants mineurs ont été enlevés par des inconnus dans la ville d'Uvira. Parmi les victimes, des écoliers de l'école primaire Kavimbira, kidnappés sur le chemin de l'école ce lundi 28 juin 2021. Jambé Kima, c'est notre correspondant en République démocratique du Congo. Le dernier cas en date est rapporté ce lundi 29 juin au quartier Kavimvira. Des enfants d'une même famille élèves à l'école primaire Kavimvira, une école conventionnée catholique, sont enlevés par un inconnu. Christian Kaloukou, 7 ans de 3e année primaire, et sa sœur Fatouma Hélène, 5 ans, sont kidnappés sur les chemins de l'école. Ils sont transportés par les Bajaj chaque matin pour aller à l'école avec un conducteur qui a un contrat avec la famille. Arrivé à plus ou moins 30 mètres de l'école, le conducteur n'a pas respecté l'itinérance. Il a déposé les enfants derrière l'école. Ces derniers ne sont pas arrivés à l'école. Contacté, le directeur de l'école indique la mère de ses enfants a eu un appel anonyme qui lui a signifié que ses enfants étaient kidnappés. Arrivé à l'école pour se rassurer, la mère a pris connaissance d'une lettre lui adressée et une autre adressée au directeur dans laquelle les ravisseurs demandent à cette dernière de coopérer par rapport au conflit qui les oppose. Pour rappel, la fillette Natacha Loï, âgée de 5 ans, a été enlevée et 3 jours après retrouvée morte et emballée dans un sac il y a de cela une semaine déjà. Au village en bêtement Siloulacha pour RCF Bonesha FM. Merci à Jambé Kima Siloulacha. Point final à ce journal, la grande édition de la soirée de cet avant-dernier jour du mois de juin 2021. Merci pour votre fidélité, merci à toute la rédaction de la Radio Sans Frontières, Bonesha FM, et à Jimmy Blaise et Nizaniza pour sa parfaite collaboration technique. Le journal vous a été présenté par Willy Sindaye. Bonne soirée à tous et surtout, gardez l'écoute.